de Saint-Preux à Miller-Édouard. Il ne faut pas vous dire que durant toute la route, je n'étais occupé que de l'objet de mon voyage. Mais une chose à remarquer, c'est que je commençais de voir, sous un autre point de vue, ce même objet qui n'était jamais sorti de mon cœur. Jusque-là, je m'étais toujours rappelé Julie, brillante comme autrefois, des charmes de sa première jeunesse. J'avais toujours vu ses beaux yeux animés du feu qu'il m'inspirait. Cette très chérie n'offrait à mes regards que des garants de mon bonheur. Son amour et le mien se mêlaient tellement avec sa figure que je ne pouvais les en séparer. Maintenant, j'allais voir Julie mariée, Julie mère, Julie indifférente. Je m'inquiétais des changements que 8 ans d'intervalle avaient pu faire à sa beauté. Elle avait eu la petite vérole. Elle s'en trouvait changée. À quel point le pouvait-elle être? Mon imagination me refusait opiniâtrement des taches sur ce charmant visage. Et si donc j'en voyais un marqué de petites véroles, ce n'était plus celui de Julie. Je pensais encore à l'entrevue que nous allions avoir, à la réception qu'elle m'allait faire. Ce premier abord se présentait à mon esprit sous 1000 tableaux différents. Et ce moment qui devait passer si vite revenait pour moi 1000 fois le jour. Plus j'approchais de la Suisse, plus je me sentais ému. L'instant où, des hauteurs du Jura, je découvris le lac de Genève, fut un instant d'extase et de ravissement. 1000 souvenirs délicieux réveillaient tous les sentiments que j'avais goûtés. Tout cela me jetait dans des transports que je ne puis décrire et semblait me rendre à la fois la jouissance de ma vie entière. En descendant vers la côte, je sentis une impression nouvelle dont je n'avais aucune idée. C'était un certain moment d'effroi qui me resserrait le cœur et me troublait malgré moi. Cet effroi, dont je ne pouvais démêler la cause, croissait à mesure que j'approchais de la ville. Il ralentissait mon empressement d'arriver et fit enfin de tels progrès que je m'inquiétais autant de ma diligence que j'avais fait jusque-là de ma lenteur. En entrant à Vevey, la sensation que j'éprouvais ne fut rien moins qu'agréable. Je fus saisi d'une violente palpitation qui m'empêchait de respirer. Je parlais d'une voix altérée et tremblante. J'eus peine à me faire entendre en demandant M. de Volmar, car je n'osais point nommer sa femme. On me dit qu'il demeurait à Clarens. Cette nouvelle m'ôta dessus la poitrine un poids de 500 livres. Et, prenant les 2 lieux qui me restaient à faire pour un répit, je me réjouis de ce qui m'eût désolé dans un autre temps. J'entrai dans une auberge pour reprendre les forces qui me manquaient. Il me fut impossible d'avaler un seul morceau. Je suffoquais en buvant et ne pouvais vider un verre qu'à plusieurs reprises. Ma terreur redoubla quand je vis mettre les chevaux pour repartir. Je crois que j'aurais donné tout au monde pour voir briser une roue en chemin. Je ne voyais plus Julie. Mon imagination troublée ne me présentait que des objets confus. Mon âme était dans un tumulte universel.